L'homme à la tête de chou. Thank you. Thank you.

vai. Côté le plus loin possible, il n'y avait pas de cible. Thank you. choc, le refus. Thank you. Thank you.